Ah, déjà 10 nouvelles entrées d'écouter, ce qui veut dire qu'on doit dire au revoir à 10 pièces. Mm-hmm. Donc, palmarès in peace, tout le monde. Just now, tens of change. What's gonna happen to you? C'était un grand homme. Nous les pleurerons longtemps. La Mauricie est en deuil. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Les romans arrivent.